Bon, ça continue, freestyle sur freestyle, mec. Ok, pow, pow, pow. C'est mon entraînement. C'est mon entraînement. Musical, musical. C'est mon entraînement. C'est mon entraînement. Musical, musical. C'est mon entraînement. C'est mon entraînement. Musical, musical. Bon, le charlet qui joue une touche de balle avec le clap et le clap et la passe à la basse et la basse me fait une langue transversale. Et là c'est parti, j'ouvre le bal, un peu de dribble, un peu de style et j'donne ce qu'il faut. C'est musica, sans ses flots, c'est mon calcio avec les mots. Et là j'me pose sans dire un mot, mais là j'reçois un morceau. Y'a toute ta team qui veut j'éclat, mais là j'écoute toute ma team. La musica de la taxe jusqu'au gardien dans la jeca. Trop précise, non c'est pas. Ouais mon pote, moi je m'entraîne avec ce clat. Et comme tu vois, je prépare pas un attentat. Et j'attends ni un avocat. Et ouais j'assume tous mes délits dans ce putain de move de la zika. Et ouais mon pote, je galère pas sans la télé, sans la diora. Et ouais je m'entraîne en musica. Et comme tu vois, je grossis pas, mais je gomberai pas tes couplets, aka les chocas. Oh, et ouais mon pote, même enfermé, même enfermé. Ouais je m'entraîne, ouais je m'entraîne dans ce chocas, dans ce chocas. Loin, loin, loin, loin, loin, loin de ce championnat, de ce championnat. Mais toi t'attends, mais toi t'attends. Ma beban, ma beban. T'aimes ma cette phrase, t'aimes ma cette phrase. J'suis rigical, j'suis rigical. Ouais cette rime, ouais cette rime. Qui finit, qui finit en plein lucas, en plein lucas. Qui fait trembler, qui fait trembler tes filets, tes filets. Eh, ouais l'œil tend, ouais l'œil tend. Eh ouais mon pote, eh ouais mon pote. C'est mon entraînement, c'est mon entraînement. Musical, musical, musical, musical. C'est mon entraînement, c'est mon entraînement. Musical, musical, musical, musical. Eh mon pote, c'est mon entraînement. Musical, allez. Oh.